J'aime les Vénus de plastique, je fais claquer leurs élastoques. Ça fait clic et ça m'excite, les seins de plastoc qui palpitent. Et je pile, je lift des angéliques. Des saintes ni touches névrotiques, silicone et retouche ad hoc, j'en fais de vraies madones lubriques. Cœur de pierre, œil de velours, sein de glace, gueule d'amour, cœur en or, pied nickelé, main de fer, poumon d'acier. Fabrique des bombes anatomiques, mes petites poupées, c'est pas du toc. Ça fait tic-tac, ça saute au pif, mes nymphomanes automatiques. J'en trafique trop, j'ai tout un stock de 11 000 vierges pas catholiques. Des miss master par chocomac, sex symbole pour rester ta claque. Cœur de pierre, œil de velours, sein de glace, gueule d'amour, cœur en or, pied nickelé, main de fer, poumon d'acier, bouche en cœur, langue de bois, œil de biche, face de rat, pâte de velours, jambes de bois, tête de rat, gueule de bois, cheveux d'orange, front d'érable, pied d'athlète, face de coin, pâte de velours, œil de verre, œil de velours, pâte de verre, tête de mule, cou de porc, tête de pioche, cœur en or, tête à coque.